Chapitre 19e. Ève et Marcel. La duchesse de Valombreuse avait quitté Paris sans apprendre à Ève et à Marcel les motifs de son brusque départ pour la Haute-Savoie. Isolées dans le grand hôtel de la rue de Varennes, les deux jeunes filles voyaient les jours se succéder et leur mère n'écrivait point. Ce voyage mystérieux et ce silence inexplicable les jetaient dans une vive inquiétude. D'un autre côté, la disparition d'Octave était pour elle une nouvelle cause de chagrin. Un soir, un valet leur apporta une carte de visite. En lisant le nom écrit sur cette carte, Ève poussa un cri de surprise et Marcel un cri de joie. « Faites entrer, monsieur de Kerlusset, » dit-elle au domestique. « Est-ce bien convenable de le recevoir en l'absence de notre mère ?» dit Ève après la sortie du domestique. Sa sœur, toute rougissante, allait répondre quand la porte s'ouvrit de nouveau et monsieur de Kerlusset parut. À l'exception de son visage, fortement hâlé par la vie au soleil et au grand air, aucun changement ne s'était produit dans sa personne. Tel il était parti, tel il revenait. « Ma chère Marcel, » fit-il en pressant la main tremblante de sa fiancée. « Ma sœur, » dit-il en tendant la main à Ève. Les deux jeunes filles étaient si émues qu'elles demeurèrent un instant sans voix. « Que vient-on de m'apprendre ?» reprit bientôt Amaury. « Madame la Duchesse est partie ?»« Depuis 5 jours, » dit Marcel. « Partie au moment où elle m'appelle, où elle m'attend, où elle doit avoir besoin de moi. » « Notre mère vous a appelé ?» dirent les deux sœurs surprises. « Oui, et je suis accourue. Mais pourquoi son départ précipité ?»« Marcel et moi, nous l'ignorons, » répondit Ève. « Quand doit-elle revenir ?»« Nous l'ignorons également, » repartit Marcel. « Mais où est-elle allée ?»« Auprès de la sœur du baron de Lavernay, » continua Ève. « Chez la tante de Maurice, » reprit Amaury. « Et monsieur Maurice, qui revenait de chez sa tante, a accompagné notre mère, » dit Marcel. Monsieur de Kerlusset était devenu pensif, et plus il réfléchissait, moins il comprenait. Comment, en effet, expliquer le départ de la duchesse après le télégramme alarmant qu'elle lui avait envoyé? D'un autre côté, pourquoi le jeune magistrat, à peine de retour de la Haute-Savoie, y était-il retourné et avait-il emmené Madame de Valombreuse? Mais il s'est donc passé quelque chose d'extraordinaire dans ces derniers temps? Demanda le vicomte de Kerlusset aux deux sœurs. Rien, répondirent-elles. « Ainsi, aucun événement, aucun malheur n'est survenu ?»« Aucun, » dit Marcel, « si ce n'est qu'Octave s'est ruiné pour une femme de théâtre, que notre mère veut le faire interdire, et qui n'a point paru à l'hôtel depuis 2 grandes semaines. » Monsieur de Kerlusset tressaillit. « Ah » fit-il. « Et c'est dans un pareil moment que la duchesse est partie. Tout cela est bien étrange. Mais savez-vous ce qu'est devenu votre frère ?»« Maurice l'a cherché partout, et en vain, » répondit Ève. « Comment se nomme cette femme pour laquelle il s'est ruiné ?» reprit Amaury, après quelques instants de réflexion. « Célestine Marbeau, » dit Marcel. « Et elle demeure rue de Courcelles, dans un bel hôtel qu'Octave lui a acheté, » poursuivit Ève. « Oui, et c'est la femme de chambre de cette actrice, » ajouta Marcel, « une honnête fille, nommée Asie, qui est venue il y a quelque temps apprendre à maman la nouvelle folie d'Octave. » Monsieur de Kerlusset, muni de ses renseignements, se leva, et prenant la main des deux jeunes filles, « Si bien caché que soit votre frère, je le trouverai et je vous le ramènerai. » Il sortit sur ces paroles, courut rue de Bellechasse, monta dans sa remise et dit au cocher, « Rue de Courcelles, quel numéro ? Je vous dirai quand il faudra m'arrêter, je vous prends à l'heure. » Le cocher fouetta son cheval, qui partit comme un trait, et 20 minutes après, le vicomte de Kerlusset se trouvait dans la rue de Courcelles.